son et du tonnerre. Alors écoute, parce que l'homme rico vient comme un éclair. Oh no, comme fan, écoute ça. Hey hey, ça s'appelle bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Danse, c'est le métier des danseurs. Bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Surtout les exagos, ces seigneurs ça va péter. Et tous les fanatiques en feront dessus tous les deux. Mais sur ces belles mélodies, mais tout le monde doit se balancer et faire de tout petits mouvements bien cadencés. Alors bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Danse sur les métiques des danses. Bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Danse sur les métiques des danses. Comme fait les bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Je suis le ragamuffin idéal, mais aussi le casal de tous les vandales qui ont la dalle de rap style. Le banlieue ça fait trembler la capitale. Sans n'importe quelle sélection, moi des paroles j'en étale. Je fous mon bordel dans toutes les discothèques, toutes les salles. Et c'est pour tous les balabas de boy que je viens mener le bal. Avec des coloris sales dans la danse radicale. Son style est original, ses paroles colossales. Sorti de la ville de ses salles, des taudis les plus sales. On le ressent dans ses lyrics, mais aussi dans son oral. On dit qu'à lui tout seul, fou les mille, il vaut une chorale. Même que dans la bouche, il a comme le venin d'un crotal. Le son est fatal, le rythme en est brutal. Alors pourtant, je déballe inégal le style vocal du chant original. Sur le bord là-bas d'Obstein, danse sur les musiques des danses. Well, you know, bouge sur le bord là-bas d'Obstein, danse sur les musiques des danses. Man, man, man, bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Man, écoute ça, man, écoute ça. Ce son est made in France, et non pas made in USA. Se lever, ouais, encore une fois, qui vient tchè tchè, tellement le neko. Sur les villes de Ripa, dans tous les ghettos. Mais quand t'es pour les mecs, tellement entre les doigts, c'est pour les blancs, les renois. Que le même est de l'endroit, comme tu le vois, mon ami, je ne suis pas n'importe qui, non, je ne suis pas n'importe quoi. Bouge sur le bord là-bas d'Obstein, danse sur les musiques des danses. Bouge sur le bord là-bas d'Obstein, danse sur les musiques des danses. Ça débile, bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Ce studio où je n'ai rien révisé. Toutes les rimes dans ma tête sont mémorisées. Vous êtes vaporisés mais aussi terrorisés. On dit que mon feeling sur le micro est abusé. Mais je sais en vérité qu'il vient tous vous amuser. Les DVD à mes côtés ne peuvent que me mépriser. Parce que la chat que je balance est toujours bien maîtrisée. Alors bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Danse sur les musiques des danses. Comme fait les bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Danse sur les musiques des danses. Bouge sur le bord là-bas d'Obstein. Danse sur les musiques des danses. Dis mal bouge sur le bord là-bas d'Obstein. You are I'm muffin, girl, are your time for shine. Make your mate, you know, say I'm one of a kind. Right up a front, you know, one left behind. Are you me sweet thing to make the headline? Frankie, father, tell her from the rude boy. Girl, you are so sweet and you so nice. Sweet. Body just a shock, you are me number one choice. Girl, you discipline, come and take the prize. Sweet. Anytime me see you, girl, me get hypnotized. Because she pretty, pretty and she rough in as she walk on. The ragamuffin, girl, them know them are the talk on. Watch the girl, look how the woman, them are shocking. Frankie Paul and the Indian Jack.

you what you know what you know. And I can you what you know what mama. And you manga jingo wa onga benema. And you manga jingo wa wen chicken my beast. And you manga jingo wa onga benema. And you manga jingo wa wen chicken my beast. Mommy no ga bama pe. Mommy no ga little motion. Bad boys.